Il est maintenant 17h09 minutes. Raymond Poirier qui est avec nous en studio pour la chronique technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines et là on va approfondir un peu le sujet des villes intelligentes. Exactement, un sujet qui est un peu incontournable, surtout depuis que la ville de Québec s'est placée dans le top 7 des villes intelligentes de l'Intelligent Community Forum. Donc ça amène évidemment plusieurs interrogations. Qu'est-ce qu'une ville intelligente, entre autres? Et évidemment, en amont de ça, il y a des travaux qui ont été faits à l'Université Laval, qui sont en cours au moment où l'on se parle, autour justement de ce concept-là de la ville intelligente. Et autour de ces travaux-là, eh bien, il y a une conférence qu'on organise, nous, à l'Institut de technologie de l'information et société, ce jeudi 29 mars à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, une conférence qui s'intitule « Smart Cities, ces technologies qui rendent la ville intelligente ». Et justement, l'un des chercheurs de l'université qui s'intéresse à ces thématiques-là ben, sera sur place pour parler de ses recherches, parler de ses réflexions. Ce professeur, eh ben, il est à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il s'appelle Sel Melouli. Il est avec nous également au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour tout le monde. Alors, ben, peut-être d'abord, justement, je parlais des recherches de manière globale. Il y a plusieurs de vos travaux qui vous ont amené tranquillement vers ce thème, vers ce concept de la ville intelligente. Et pour voir un peu votre processus de recherche, il faut remonter en arrière à un autre projet que vous avez mené aux côtés de plusieurs collègues de la Faculté des sciences de l'administration, un projet qui est rattaché aux technologies, mais en région. Oui, c'est un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement du Québec et que ma collègue Diane Poulin, qui était la leader du projet, mais on était plusieurs chercheurs impliqués au niveau de ce projet, et dont l'objectif, c'est d'étudier la pénétration du gouvernement électronique au niveau des régions, au niveau des régions éloignées du Québec. Et l'étude a porté sur quatre régions qui sont l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et le Saguenay. Et quand on parle du gouvernement électronique, de manière générale, on parle de quoi, de quel type d'application? Quand on parle de gouvernement électronique, la définition, elle est simple dans sa nature, mais elle est assez compliquée au niveau de sa mise en application. C'est vraiment comment offrir aux citoyens un service, comment permettre aux citoyens plutôt d'accéder aux services du gouvernement de manière électronique. C'est-à-dire au lieu de se déplacer pour faire un changement d'adresse, au lieu de se déplacer pour demander un certificat de naissance, comment je pourrais, via un site web gouvernemental, demander le service, recevoir une réponse par la poste, par courrier électronique, par n'importe quel moyen, sans avoir à me déplacer, sans avoir à aller faire une file d'attente. Et de cette étude-là sur les TI en région, qu'est-ce qui en était ressorti? Quelle perspective, du moins, j'imagine que l'étude est encore en cours, mais vers quoi on s'enligne côté résultats? Les résultats, ils seront officialisés par le gouvernement du Québec dans un délai proche, parce qu'on a déjà rendu le rapport au gouvernement. Mais ce que je peux dire, c'est que la partie sur laquelle personnellement j'ai travaillé, qui portait sur l'utilisation de ces services par les citoyens en région, les difficultés que rencontrent aussi les agences régionales au niveau de la mise en œuvre de ces services électroniques, c'est vraiment, disons, trois éléments clés qui sont le vieillissement de la population, l'exode des jeunes et le manque de main-d'œuvre spécialisée. Dans le sens que si une agence gouvernementale veut mettre un service en ligne, elle tourne autour et c'est la main-d'œuvre rare, technologiquement parlant, qui va nous aider à développer. Et si on regarde l'autre bout, une population qui est assez vieillissante, quand on leur dit on va vous couper l'accès à l'humain pour interagir avec, ben, les gens refusent et ils veulent se déplacer parce que c'est quasiment l'un des éléments sociaux qu'ils ont au niveau de leur vie. Et le défi en zone rurale, c'est quand même différent de celui qu'on retrouve en ville. Le défi, il est très différent. En tout cas, la pénétration technologique chez les jeunes et chez les gens n'est pas la même en zone rurale qu'en zone urbaine, du tout. Elle est très différente. À la limite, est-ce qu'on dirait que c'est peut-être plus facile justement pour pousser des éléments comme liés à la gouvernance justement électronique et à d'autres dossiers en lien avec les technologies dans la sphère urbaine que dans la sphère rurale, au bout du compte? Ben, pousser la gouvernance des technologies dans l'affaire urbaine que l'affaire rurale, moi je pense que il faut que toujours la technologie soit présente, que ce soit dans un mode urbain ou en mode rural. Cependant, il faut toujours contextualiser l'utilisation des technologies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à une frange de la population et imposer des choses sans que la population ne soit prête à l'accepter, à l'adopter. Et on sait qu'en système système d'information, technologie d'information, il y a plusieurs théories qui portent de l'adoption des technologies. Moi, je pense que la technologie doit être toujours présente. Mais il faut mesurer le degré d'utilisation des technologies en fonction de l'adéquation ou l'adaptation des gens à utiliser ces technologies-là. Et il faut considérer aussi que ces technologies servent pour les citoyens. Ce n'est pas un élément qu'il faut imposer aux citoyens, mais c'est quelque chose qu'il faut demander aux citoyens d'utiliser. Et donc, il faut que les citoyens soient prêts à utiliser ces technologies-là. Et dans ce contexte-là, ça nous amène aussi à la ville intelligente, qui est un peu le pan donc urbain de l'intégration de ces technologies dans la vie du citoyen, pour le citoyen dans ses services, dans son quotidien. Oui, en tout cas, la ville intelligente, c'est un concept qui émerge de trois éléments, qui sont la ville, les citoyens et la technologie. Et donc, si tu as une ville qui est dynamique, tu as des citoyens qui sont branchés, ben, tu es bien placé pour parler que je fais un développement de ville intelligente. Mmh. Et est-ce qu'il y a une définition claire, nette de ville intelligente généralement acceptée ou au contraire, c'est un concept qui, pour l'instant, est encore quand même relativement flou? Ce qui est intéressant, c'est que le concept, il est en émergence et c'est un concept qui est nouveau, c'est-à-dire que c'est un concept sur lequel, dans notre recherche que nous menons actuellement, on n'a pas trouvé un consensus au niveau des définitions. En tout cas, moi, je joue le jeu dans la présentation qui va se dérouler jeudi soir, où je vais présenter plusieurs définitions qui sont différentes l'une de l'autre, pour montrer que les gens ne sont pas encore très, très alignés sur une définition unique. Et n'oublions pas aussi que l'émergence des technologies au niveau des villes, c'est quelque chose qui est récente, qui est nouvelle, et donc plusieurs compagnies, elles essaient de bâtir aussi des définitions sur mesure pour se donner une image unique vis-à-vis de ce concept-là. Donc, la recherche scientifique dit quelque chose, le domaine pratique dit quelque chose, mais en bout de ligne, on se ramasse sur une question qui est très pertinente pour dire Smart City c'est quoi ou ville intelligente c'est quoi, c'est vraiment comment je peux utiliser ou profiter de l'évolution technologique pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Et vous travaillez justement sur une étude internationale en collaboration avec plusieurs chercheurs pour tenter de définir et de décrire le concept. Pouvez-vous nous parler un peu de ces travaux? Oui, c'est un projet qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada. Et c'est un projet dans lequel plusieurs institutions sont impliquées. On a l'Université Laval ici au Canada et on a les universités aux États-Unis, à Seattle et à Albany. Et on a la ville de Mexico. Il y en a aussi en Chine, à Macao et à Shanghai. Et l'objectif de cette étude, ce n'est pas de comparer des villes ou dire cette ville est mieux placée que l'autre, loin de là. L'objectif de l'étude, c'est de dire à une ville, si la ville veut développer un projet qu'elle considère smart, intelligent, ben voici les éléments, les angles à partir duquel elle peut regarder le projet. Et on essaie aussi d'apprendre ou de faire apprendre les villes les unes des autres, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, qu'est-ce qui se passe chez nous. Je donne un exemple, c'est que dernièrement, on était à la ville de Seattle, on s'est réunis dans chacune des villes, et le dernier, c'était à Seattle, et la personne qui était responsable des technologies à Seattle posait la question. J'ai vu dans votre présentation que les grandes villes du Québec sont interconnectées entre elles. Nous, à Seattle, on a un problème pour faire ce projet. Pouvez-vous nous aider? Mmh. Et ça, c'est un apprentissage qui est phénoménal, parce que c'est un transfert de connaissances de ville en ville, et un apprentissage de développement technologique qui est assez intéressant. Et est-ce que vous avez d'autres exemples, justement, d'éléments qui ressortent de cette étude-là, évidemment, qui seront mis de l'avant jeudi le 29 et aussi au dévoilement des résultats de cette étude lors d'un colloque à l'Université Laval le 25 avril, mais pour nous mettre en appétit peut-être un autre exemple? Oui, par exemple, je prends... Il y en a plusieurs exemples que je vais présenter le jeudi 29, mais si j'en prends... deux exemples, un qui est à la ville de Québec, je prendrai un autre à la ville de Mexico. À la ville de Québec, quand j'ai présenté le projet sur que fait la ville au niveau du déneigement, comment équiper les déneigeuses d'un GPS pour tracer où est-ce qu'elles sont, pour mieux coordonner les activités de déneigement, etc. Ben, les gens étaient surpris, ils disent « Waouh, c'est un excellent projet, c'est un suivi d'infrastructures qui est phénoménal ». De l'autre côté, j'ai vu un projet aussi au Mexique qui était très intéressant, c'est comment développer des solutions électroniques pour mieux orienter les itinérants. Alors c'était impressionnant parce que tu dis un itinérant qui n'a pas toujours accès à un ordinateur, comment il va faire? Ben non, ils font tout un programme pour initier les itinérants à utiliser les ordinateurs. Ils leur mettent à disposition un site web unique où est-ce qu'ils peuvent trouver les ressources, etc. Alors, l'initiative, elle était en elle-même très, très, très intéressante. Et à travers tout ça, Selma Elouli, qu'est-ce qui fait l'importance pour vous de s'arrêter justement à comprendre ce concept-là, à réfléchir les outils, les applications, les approches, peut-être autant pour vous du point de vue de la recherche, mais surtout pour les citoyens et citoyennes? Ce qui est important, c'est que une ville, elle est constituée de ses citoyens. Et si les citoyens ne sont pas satisfaits dans l'endroit où ils vivent, alors la ville, elle perd de sa dynamique. Et le concept de Smart Cities, ben, son objectif, disons, c'est comment utiliser les technologies pour améliorer la qualité de service des citoyens. Et quand on dit qualité de service ou qualité de vie, disons, des citoyens, et quand on parle de qualité de vie, c'est une interaction bidirectionnelle. C'est la ville qui offre des services aux citoyens, mais c'est aussi les citoyens qui sont au service de la ville. Et un citoyen peut être au service de la ville quand il devient un citoyen participatif, quand il devient un citoyen qui s'implique dans la vie communautaire. Alors, ces éléments technologiques qui aident une ville à être dynamique, à être une ville vivante, ben, c'est ce qui intéresse beaucoup ce qui se fait au niveau de la recherche, et aussi ça intéresse beaucoup les villes, parce que l'image d'une ville à l'extérieur pour des investisseurs, pour des gens qui veulent s'établir, quand l'image donne qu'on est dynamique, qu'on est vivant, qu'on est top, alors les gens vont venir rapidement. Et on invite justement les gens à venir explorer ce concept, à venir découvrir si ils entendent pour la première fois ou les premières fois justement ce terme « ville intelligente ». Alors, à cette conférence jeudi 29 mars prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Roy, Selma Elouli, professeur à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et à au jeudi. Revoir. Merci. Merci. Raymond Poirier, merci à toi cette fois-ci. Et ça me fait plaisir et j'invite les gens aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur la conférence, noter les informations ou autres, eh bien, sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et c'est aussi le site où on peut retrouver nos chroniques. Voilà, en podcast, et ça c'est dans la section chroniques et actualités de TI. Ouais, c'est plus les tiennes que les miennes, mais bon, on les retrouve quand même sur le site Internet. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.